Ce matin, j'écoutais un enseignement, c'était fait par des évangéliques aux États-Unis. J'ai été voir parce que Don Carson faisait partie de celui qui avait travaillé à un enseignement, un film, un film, une vidéo, qui dure au-dessus d'un heure. C'est en anglais, non, mais en français, c'était le Dieu qui parle. Le Dieu qui parle. Donc, je me suis mis à méditer un peu là-dessus, puis comment, comment nous qui sommes si loin de du début, je m'apercevais qu'à chaque fois que j'ouvre ma Bible, je ne suis pas toujours à m'arrêter et dire « Dieu va me parler, Dieu va me parler ». Des fois, on a de la misère à passer par-dessus le livre, ou par-dessus la personne ou la vidéo. C'est pour te dire, y a-t-il un Dieu qui existe qui va me parler vraiment à moi, par les Écritures ou par un enseignement, une vidéo. Et je crois que ça fait une différence, un peu s'arrêter et dire, Dieu va me parler, va nous parler à travers le livre de Thessaloniciens. Donc c'est pas un livre, c'est pas un homme, c'est pas... Derrière tout ça, il y a un Dieu qui veut parler à un peuple. Je me disais, malgré des millénaires qu'on transmet la parole de Dieu, toute l'implication humaine qu'il y a dans la transmission de ce que Dieu a dit depuis des milliers d'années, 3, 4 000 ans, c'est qu'on a commencé à écrire ce que Dieu avait dit, ce que Dieu disait. Tous les traducteurs, les copieurs, toutes les langues, les traductions, tout ça jusqu'à aujourd'hui, on dit encore, c'est la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup d'implications humaines là-dedans et la vulnérabilité de l'être humain. Quand il copie, quand il écrit, quand il prend les décisions, il y a toute une vulnérabilité qui est là, mais on continue à dire, c'est la parole de Dieu, ça. C'est la parole de Dieu. Parce qu'on croit qu'il y a un Dieu qui veut parler à son peuple. Et il y a un homme qui parlait, ça ne semblait pas être un chrétien. Et lui, il disait, si on parle, le Créateur a parlé avant nous. Si le Créateur n'avait pas parlé, on ne parlerait pas nous autres. On serait comme les animaux. On ne parlerait pas. Il dit, la parole, c'est quelque chose qui appartient à la race humaine, point. Il dit, pourquoi la race humaine parle? C'est parce que probablement le Créateur parlait. Ça, je trouvais ça intéressant comme logique, que c'est... je voulais juste partager ça un petit peu comme ça. C'est un non-croyant, tu disais qu'il... Oui, attention que je voulais écouter parler, c'est un non-croyant. C'est un apologiste, donc c'est quelqu'un qui travaille dans des universités, qui fait la défense de la foi, mais il ne semblait pas être un croyant, comme ce que nous autres, on appellerait un croyant. Okay? Mais c'était plutôt un croyant à l'âge. Ça aurait pu être un catholique ou ça aurait pu être un... Mais c'est des gens qui croient à l'existence d'un Dieu, mais c'est peut-être pas un croyant, comme nous autres, on dirait. Donc, on va étudier dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, je ne sais pas combien de temps qu'on va prendre, ces deux épîtres aux Thessaloniciens-là. Et essayer de voir, de s'arrêter, mais vu que Dieu est un Dieu qui parle, il veut me parler. C'est pas juste individuel comme à toute l'Église, mais c'est des vérités quand même. Si moi je m'adresse à 10 personnes, ben je parle individuellement aux 10 aussi en même temps que je parle à l'ensemble des 10. Donc on va voir ça ensemble et dire ben, comment est-ce qu'on pourrait voir ce que Dieu veut nous dire à travers ces deux livres-là de la Bible. On va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, comme on vient de le dire, tu veux parler, tu aimes parler à ton peuple. C'est la façon que tu as choisi de te révéler à nous en grande partie. Tu nous parles par la nature, mais tu nous as parlé de façon bien plus précise et bien plus claire par les Écritures et par le Fils Jésus qui est venu sur la terre. Seigneur, qu'on puisse de s'arrêter et penser, réfléchir à quel point nous sommes privilégiés d'avoir cela écrit. D'avoir cela pour nous, pour qu'on puisse savoir ce que le Créateur, pourquoi il a créé, quelle était son intention, qu'est-ce qu'il nous a dit, de quoi il nous parle. Et on te demande, Seigneur Dieu, que chaque fois qu'on plante nos regards dans ta parole, on puisse vraiment t'écouter, toi qui veux nous parler. Donc, que ton esprit anime chacun de nous qui sommes tes enfants. Amen. Amen. Si vous seriez un employé d'un traiteur, vous savez c'est quoi un traiteur? Oui. Puis il vous dit en rentrant dans la salle, monte la table. Ça serait quoi vos questions à ce traiteur-là? Combien de personnes? On pourrait dire combien de personnes vont être à la table? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va manger? On mange-tu des céréales ou si on mange un 5 services ou un 8 services? Qu'est-ce qu'on fait là? Pour ça? Chaud. C'est-tu la nourriture chaude ou froide? Le prix. Comment ça va coûter? C'est ce qu'on va faire. Après ça? Y a-tu du vin? D'autres questions que vous pourriez poser à votre traiteur? Parce que là, vous devez monter la table, vous autres. Il ne faut pas vous monter ça de travers. Là. Si les gens arrivent, vous allez. Ah, ben là, ça ne va pas. La disposition de la salle. La disposition. C'est qui l'organisateur? Oui, ça pourrait dire c'est qui va amener la nourriture, c'est qui amène cela. Et c'est lui le traiteur. Il devrait le savoir. C'est lui qui. Mais d'autres choses, c'est qui va être invité? Si c'est des enfants, c'est des adultes, c'est des handicapés, c'est des gens qui sont rendus à 90 et qui bavent, qui ont besoin de bavettes. Toutes ces choses-là, ça va vous aider à préparer la table. Ça va vous aider. Et plus le traiteur va vous donner de l'information, plus vous allez pouvoir monter la table d'une façon adéquate. Et que les gens vont arriver, puis vont. On pourrait poser l'autre question, c'est à quelle occasion? C'est-tu une noce? C'est-tu une funéraille? C'est-tu un party? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça va vous donner une idée aussi comment monter la table. Donc, et quand on commence à lire un livre dans la Bible, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Avant de commencer à interpréter le texte. Il faut juste dire c'est qui, c'est quand, c'est où, c'est comment, c'est pourquoi. C'est toutes ces questions-là qu'on pose au texte avant de vouloir commencer à interpréter. Si vous arrivez, mettons, vous voyez la table, quand vous êtes, sans vous, vous arrivez, vous tenez un étranger, vous rentrez dans la salle, la table est montée, vous allez pouvoir faire des déductions, là. Vous allez voir, hop, il va y avoir du vin. Pourquoi il va y avoir du vin? Bien, il y a des coupes. Hop, ça, il y a des couteaux pour trancher la viande. Hop, on va manger de la viande. Vous allez pouvoir faire des déductions en regardant la table. Si vous voyez des grands espaces, vous allez dire, hop, j'ai l'impression qu'il va y avoir des handicapés parce qu'ils ont mis plus d'espace pour les chaises roulantes, donc les gens sont plus éloignés les uns des autres. Vous allez pouvoir tirer des conclusions sur le contenu, sur les choses qui vont arriver, parce que, selon, la table est montée. Donc, si je vous dis, l'une des premières choses que je fais quand je vais prendre un livre, je tourne, je regarde c'est qui écrit, quand qui est écrit, à quelle année c'est écrit, c'est dans quel contexte, c'est quoi le sujet, je vais aller voir la table des matières, je vais faire des pires choses, parce que avant de commencer à lire, si je tourne, je commence à lire le premier chapitre, je ne sais pas c'est qui, c'est quand, c'est quoi l'histoire, ça va me prendre un peu plus de temps à arriver à la conclusion, dire, ouais, ben ça s'est passé au 15e siècle, cette affaire-là, ça ne s'est pas passé au 21e siècle, ça s'est passé au 15e siècle. Donc c'est toutes des choses qui vont nous aider. Et quand on lit un livre comme le Thessalonicien, c'est des questions qu'on apprend à se poser avant de vouloir interpréter. Ce matin, j'écoutais un petit enseignement. Il y a quelqu'un qui a posé qu'est-ce que Pierre veut dire par quand il parle des hommes et des femmes, un vaisseau plus faible. elle a posé la question. Et le gars a commencé à répondre. Il n'est pas donné dans quel livre même que c'était vraiment. Je pense que la femme, elle savait quand elle posait la question. C'est une femme qui posait la question. Ce que le gars a répondu, il n'a pas donné quel livre, il n'a pas donné le contexte, il n'a pas donné où, quand, pourquoi. Il a donné une interprétation du verset. Et selon moi, il s'est trompé d'interprétation. S'il avait eu le contexte un peu plus précis du chapitre 3, je crois qu'il aurait donné une autre interprétation. Mais il a donné une interprétation, puis il l'a appliquée au 20e siècle, au 21e siècle, avant de l'appliquer au 1er siècle. C'est à quoi ça voulait dire pour nous autres au 1er siècle? Est-ce que les femmes se posaient la question à ce 1er siècle-là? Est-ce que les femmes du 1er siècle auraient posé la question de cette femme du 21e siècle? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais qu'est-ce que l'auteur Pierre voulait dire à l'Église quand il parle aux hommes et aux femmes dans, ces textes, dans ce texte-là? Si on ne se pose pas la question, vous avez fait ça, vous avez pas mal entendu des gens. Cette semaine, le frère qui m'appelle, c'est pas de la gang ici. Il ne pose pas de question. C'est un frère qui m'appelle, puis il dit, François, là, je parlais avec un chrétien cette semaine, puis il m'a cité Romains 8, 1, qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il dit, c'est pas complet, il manque de quoi, il me semble, là. J'ai dit, c'est dans quel contexte il t'a dit ça, ce verset-là? De quoi vous parliez avant? C'était quoi le sujet de la conversation? Là, j'ai dit, parles-tu de la justification ou de la sanctification? Vous étiez-vous en train de parler de justification ou de sanctification? Bien, on parlait de sanctification. Bien, vous êtes trompés les deux, parce que le texte parle de sanctification, de justification. Et où, là? Quelqu'un a cité un texte qui a appris par cœur. Depuis qu'il est jeune, qu'on connaît tous, parce qu'on aimait le sujet, hein? Mais plus condamnation, c'était agréable à se faire dire ça. Mais j'ai dit, il ne l'a pas cité avec la bonne intention de l'auteur. Parce que l'auteur était en train de parler qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont été justifiés. Lui, il l'a appelé que, arrête de me juger, il n'y a plus de condamnation pour les chrétiens. C'est ça que lui voulait dire. Il dit, tu me juges. Il n'y a plus de condamnation pour les chrétiens. Donc, arrête de me juger. Voyez-vous comment est-ce qu'on interprète le texte un peu différemment? C'est dépendamment de comment est-ce qu'on le voit. Donc, Thessaloniciens, on va essayer de garder un peu l'idée du texte. Donc, si je fais des interprétations, des fois, vous ne pas trop à voir pourquoi j'arrive à ces conclusions-là. C'est peut-être parce qu'on n'a pas mis la table de la même façon. Simplement, on n'a pas mis la table de la même façon et on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Donc, je ne dis pas que ma façon, c'est la seule façon. Il y a d'autres façons de voir, mais en même temps, on va essayer de comprendre le mieux possible qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul décide de s'asseoir, prendre sa plume et d'écrire. Vous avez tous une intention. Tout à l'heure, tu avais ton crayon, tu t'es mis à écrire, tu avais une intention, tu avais une raison d'écrire. Si tu t'assieds une feuille, puis tu commences à écrire, puis quelqu'un dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as aucune idée de ce que je fais là. Tu dis là, OK. J'étais juste un peu nerveux, puis non, ça ne fera pas de sens, ça n'est pas logique. Donc, Paul avait une intention. Donc, on va lire le premier verset, si vous voulez bien, et on va essayer de passer au travers celui-là aujourd'hui. J'espère. Parce que j'aimerais bien mettre la table pour vous. Okay, j'aimerais mettre la table. Donc, veux-tu le lire, Michel? Oui. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Donc, ici, la première chose qu'on voit, c'est que l'auteur ou les auteurs se présentent. Paul, moi j'ai dans ma Bible Sylvain, il y en a qui ont Silas, puis l'autre c'est Timothée. Tout le monde a Paul et Timothée, mais Sylvain, il y en a qui disent que c'est Silas, et il y en a qui disent que c'est probablement Silas. Je suis d'accord que ça peut être Silas, mais pourquoi qu'on se dit ça? Donc, Paul, Jésus est mort en quelle année à peu près? On dit 33, 30, dépendamment quand on voit, il y en a qui disent que Jésus s'est né en moins 4, en moins 3, il y en a qui disent qu'il s'est né en 0, bon, ok, pas, pas, ça a tout dans l'entour de 30, à peu près 30, 33 ans que Jésus serait mort. Paul s'est converti, lui, à quelle année? En 50. En 50? OK. Avant ça? Avant ça? Me semble. Me semble? Parce que ça a été écrit dans les années 50. Donc, s'il a, si a écrit Thessalonique en 50, il ne peut pas être, être sauvé en 50. Oui, c'est ça. OK? Il ne pourrait pas être sauvé en 50 parce qu'il a été pas mal jeune pour écrire. Fait un voyage missionnaire. À quelle année, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez Paul arriver à quel chapitre à peu près? Vous avez dit, là, quand vous... Quel chapitre? 17, ça doit être... Oh, oh, avant ça. 13. Non. Non. Quand il part, il s'en allait. Chapitre 9. OK? Donc, on pense qu'au chapitre 9, il s'est passé entre 5 et 10 ans que l'Église est commencée, quand Paul va se convertir. Parce que Paul, toute l'Église commence, l'Église était rendue à Antioche, il y avait des chrétiens jusqu'à Antioche, puis Paul s'en allait à Antioche, pour, pas Antioche, mais à Damas, pour aller chercher des chrétiens, pour persécuter les chrétiens. Donc, l'Église s'était répandue, c'était une secousse, là. Donc, Paul, il se serait converti, on pense, en 35 et 40, l'année 35 à 40 après Jésus. Donc, 5 ans, peut-être, après la mort de Jésus, 5, 6 ans, 7 ans après la mort de Jésus, Paul s'est converti. Donc, ça fait 5, 6 ans que lui entend parler des chrétiens, qu'il a entendu parler de cette secte qu'on appelle les chrétiens, et que lui a commencé à la combattre. Lui a commencé à la combattre en tant que pharisien, en tant que juif consacré, juif impliqué dans sa foi, juif zélé. Pour sa foi, on sait ça, très zélé. Donc, il s'implique et il veut arrêter cette hérésie comme de quoi le Messie sera arrivé. Et c'est ce qu'il fait. Mais en 35, il se convertit. Et on sait qu'il s'est converti d'une façon spéciale. Donc, si vous allez lire le chapitre 9, vous allez voir qu'il y a une conversion assez spéciale. Il y a eu une vision, une apparition de la personne de Jésus qui s'adresse directement à lui. Et il se convertit à ce moment-là. Et il va, entre 35-40, aller à 52, il va, après s'être converti, il va commencer tout de suite à faire un travail missionnaire. Aussitôt qu'il va se convertir, pas longtemps après, il va peut-être aller un, deux, trois ans être formé par Jésus lui-même. Donc, à 37, 38, 40 ans, il va commencer son ministère et il va aller prêcher l'Évangile, surtout parmi les non-juifs. Donc, il faut se rappeler cela. C'est un juif très zélé, très engagé dans sa foi, très connaissant de l'Ancien Testament. Mais il dit manque des morceaux à son casse-tête. Il y en a un paquet de morceaux, lui, qui a mis en place déjà. Un Dieu qui est là, un Dieu qui accepte, qui a le Messie, les promesses, les prophéties qui avaient été faites. Paul, il connaît, mais il dit manque des morceaux. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il va devenir un violent persécuteur de l'Église pendant des années. Et ça va lui donner une vision un peu spéciale de la persécution qu'on va lui faire subir à lui et qu'on va faire subir à l'Église après. Si j'ai fait vivre aux autres la prison, j'ai fait vivre aux autres le fouet, j'ai fait peut-être la mort comme Étienne, qui a participé à la mort d'Étienne, quand je me fais persécuter ensuite, je sais ce que les autres ont subi, puis pourquoi ils l'ont subi, puis qu'est-ce que ça fait d'être attaché. J'ai attaché du monde au mur, moi, des prisons, puis là, je me suis fait attacher à mon tour. Donc, ça a un impact. C'est pas comme si quand je lis l'histoire de la guerre, puis j'écris un livre sur la guerre, je n'étais pas à la guerre. Je n'étais pas là. Ça fait toute une différence. Là. Mais si tu lis un livre de quelqu'un qui a passé la guerre, puis qui était là, ça va donner un autre impact complètement différent. Quand j'ai déjà partagé, quand j'ai travaillé à Toronto, j'ai travaillé avec un juif qui avait été dans un camp de concentration pendant les 5 ans de la guerre. En tant qu'enfant, d'une dizaine d'années jusqu'à une quinzaine d'années, il a vécu dans les camps de concentration. Quand il parle des camps, là, c'est une autre affaire que les journalistes, les livres. Il en parle parce qu'il était là. C'est, et, il n'est pas capable, lui, de parler des Allemands comme moi, j'en parle. Il y a un type de voix qui s'engage quand il se met à parler des Allemands que moi, ce que j'ai pas vécu, j'ai de la misère à comprendre pourquoi il est si pogné, si crispé, tout ça qu'il dit, enragé ou qu'il était en colère. Et lui, il a vécu quelque chose que moi, je n'ai pas vécu. Donc, quand on lit l'apôtre Paul, souvent, on voit un homme d'un certain âge, dans sa taille, qui a une plume, qui écrit les lettres, mais c'est un bonhomme qui a vécu pas mal intensément avant de devenir chrétien. Et donc, il va commencer des églises, il va commencer dans les églises. Surtout quand on voit chapitre 16, quand vous lisez un livre des Épîtres, même, ça serait intéressant, si vous voulez prendre le temps, de le situer dans les Actes des Apôtres, de dire, ça s'est passé quand, c'est-tu au début du ministère de Paul, c'est-tu au milieu, c'est-tu à la fin, ça va vous donner une idée de ça se passe où, ça se passe comment. Parce que si vous, comme Thessalonique, si, que l'Église Paul avait-il fait avant Thessalonique, et qu'est-ce qu'il avait vécu avant dans les églises de Thessalonique? Avant d'arriver là, à Thessalonique, il avait passé où? Il s'était passé quoi? Comment les gens avaient réagi? Ça aussi, ça va donner un ton à l'Épître. Si on ne les sait pas, on va arriver, on va lire le livre sans vraiment comprendre tout ce que l'auteur est en train de dire. Donc, comme on a parlé, il aurait probablement commencé les églises un peu. On pense que c'est une des premières églises qu'il va établir, vraiment. Mais il va commencer l'église, et c'est pas la première église, mais la première lettre qu'il va écrire aux églises. On pense que c'est une des premières, des années 50-52. Puis il a écrit les deux lettres, pas loin de distance entre les deux. Okay? En 1950, il a écrit la première, puis en 1970, la deuxième. C'est pas passé 20 ans. C'est assez proche, les deux. Et donc, c'est important de le savoir parce qu'il va s'adresser aux mêmes gens. S'il passe 20 ans, il ne s'adresse plus aux mêmes gens. Il y a une gang qui sont morts, une gang qui ne sont plus là, mais il s'est passé un peu de temps, mais pas beaucoup de temps, qu'on pense. Quand on comprend ce que Paul va vivre entre sa conversion et l'Épître des Thessaloniciens, ce qu'il a vécu entre les deux, ça va avoir un impact quand il va parler. Quand cet homme-là qui a vécu, qui a fait souffrir les gens, mais que lui, depuis qu'il s'est converti, qu'il souffre pour la foi, qu'il se fait emprisonner, qu'il se fait battre, qu'il se fait malmener, qu'il se fait rejeter par tout le monde alentour de lui, juif et non-juif, quand il va s'adresser à des gens qui sont dans le même état que lui, ça va paraître aussi. Ça va avoir un impact sur les gens qui reçoivent la lettre. Paul ne nous parle pas de sa tour d'ivoire. Paul nous parle, il est au front avec nous. Il est avec nous quand il nous parle. Il est en prison, lui, quand il nous écrit. Ou il souffre quand il nous écrit. Donc, c'est pas quelqu'un qui comprend pas ce que je vis. Il me comprend. Il sait mes luttes parce qu'il a passé les mêmes luttes. C'est un être humain comme moi. Lui, tout, quand il était en prison, il a pensé peut-être à ses gens qu'il connaissait, à sa famille. Il a pensé à son monde. Si les gens à qui j'écris souffrent, je vais être capable de souffrir avec eux un peu. Dans le sens d'avoir de l'empathie, de la compassion. Parce que je vis la même chose. Je suis en même temps qu'eux autres. Donc, si. Il va nous dire un peu plus loin, vous êtes devenus mes imitateurs à travers la souffrance, à travers les persécutions, à travers les tribulations. Vous êtes devenus mes imitateurs. Donc, il sait de quoi il parle. Il sait, et les gens qui écrivent, ils savent que Paul est avec eux dans ce domaine-là aussi. Donc, pour nous, des fois, qui si on n'a jamais connu la pauvreté, puis qu'on voit des gens pauvres, on a de la misère à comprendre pourquoi ils sont pauvres. C'est rien qu'à se bouger, tu sais, rien qu'à travailler, tu sais. On a de la misère à comprendre c'est quoi être né dans la pauvreté si on n'est pas né dans la pauvreté. Je parlais avec un frère cette semaine, puis on parlait de notre jeunesse jusqu'à un certain point. Il me contait, lui, quand son père revenait de travail, sa mère lui disait, « Allez vous cacher dans le bois, le père arrive. » Je connais ça pour ça, moi. Je sais pas ça veut dire quoi, ça. Je connais pas ça. Mais lui, quand il en parlait, il savait de quoi il parlait. Donc, quand ce gars-là commence à me parler des conflits familiales, là, ben, il dit, « Ouais, lui, il en a vécu, puis il en a eu des pas drôles. Puis des parents, il en a eu, puis c'était pas facile. » Hein. Donc, c'est que nous autres, on a de la misère à se mettre dans le bain de ces personnes-là, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais quand je vois Paul qui parle à des gens qui souffrent, moi, je dois savoir que lui aussi souffrait. Et ça m'aide à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire à ces gens-là. Et moi, si je parle à des gens qui souffrent, je n'ai jamais souffert de ça, ben ça va paraître plus intellectuel ou théorique, un peu sans émotion, parce que je n'ai jamais passé là, donc je ne sais pas c'est quoi. Mais ceux qui ont passé là le savent. Donc Paul, sachant que lui a souffert dès les premiers jours de sa conversion, on va voir qu'il va se convertir sur le chemin de Damas, et il va fuir, il va tout de suite commencer à fuir. Il va se fuir pendant la nuit, il va aller se cacher, puis il va avoir même, pendant une secousse, avoir des problèmes avec les églises qui ne veulent même pas le voir, lui, parce qu'il est un persécuteur avant. Donc, il va vivre ça. Finalement, ils vont l'accepter par l'approbation des apôtres. Les apôtres vont dire, on reconnaît que Paul s'est converti, on reconnaît qu'il vient de Jésus-Christ, on reconnaît que son évangile est vrai. Et là, les gens vont, OK, il est vraiment un des nôtres, parce que les apôtres semblent appuyer Paul, semblent dire qu'il fait partie de la gang. Il est un apôtre avec eux autres. Donc, ça va lui donner une espèce de lettre d'approbation. Lui appelle ça la main d'association dans les... Donc, ça va donner... les apôtres ont dit que c'est correct, Paul. Donc, oui, il était un persécuteur, mais c'est dans ce sens-là. Donc, je voulais faire ressortir ça parce qu'il va, tout au long des deux épîtres, il va s'adresser à des gens qui sont dans la souffrance pour la foi. Pas juste dans la souffrance. Souffrance pour la foi. C'est pas que tu souffres, c'est que tu souffres injustement. Souffrir, ça, on souffre tout. De maladie, de vieillesse, de toutes sortes que tu voudras. Mais là, on parle de souffrance pas justifiée. Tu souffres, mais c'est pas de ta faute. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Parce que, entre vous et moi, quand on souffre, c'est pas de notre faute, on cherche les coupables, puis on voudrait bien leur faire peser un peu dessus, puis pourquoi tu me fais souffrir, puis je suis pas coupable, tu n'as rien fait, puis là, on a tendance à vouloir réagir. Et donc, ces gens-là à qui Paul s'adresse, qui doivent atteindre le monde dans lequel ils sont, c'est des gens qui souffrent de la part de ces gens-là. Donc, ça va nous donner une autre image, un petit peu de... Je ne veux pas aller atteindre mon voisin qui est gentil avec moi. Je dois aller atteindre le voisin qui me fait souffrir. Ça aussi, c'est différent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire le texte et comprendre le texte. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui reçoivent le texte, qu'eux autres sont dans cet état-là. Puis, il va le répéter, là, à tous les... quasiment tous les chapitres au long des deux livres, des deux épîtres. Tribulation, affliction, les maux, les troubles, les persécutions, les tribulations. Donc, et en même temps, ça va nous aider à comprendre les sujets de conversation qu'il va avoir avec eux autres, ce qu'il va leur écrire. Si vous m'écrivez, vous savez que je suis en Floride, puis je suis allé en vacances pendant un mois, m'envoyer des textos. Ça va pas mal refléter. Comment ça va en vacances? C'est belle température, blablabla. Vous allez avoir une conversation avec moi, sachant que je suis en vacances en Floride. Mais si vous savez que je suis en prison en Floride, injustement, hein, votre lettre va refléter ça aussi, là. Pauvre François, pas patience. On va essayer de m'encourager, essayer de me dire des choses, parce que vous savez que je suis en prison et que je suis en prison, mais pas pour les bonnes raisons, pas pour des raisons justifiées. Donc, l'apôtre Paul va s'adresser à des gens qui souffrent pour la foi, donc qui souffrent injustement, et il veut maintenant les aider, ces gens-là. Donc, il va falloir se rappeler ça. Donc, Paul, sachant que lui a vécu des persécutions, il a vécu de la prison, il a vécu des difficultés, ça va. Il sait comment les approcher. Il sait comment, qu'est-ce qu'il va leur dire. Il comprend leur situation. Nous autres, des fois, on a de la misère à se mettre dans le bain, dans l'eau avec eux autres, parce qu'on n'a peut-être pas vécu la même chose qu'eux autres. Ça, c'est Paul. On va y revenir en s'en allant, on va en parler, Paul en s'en allant. Mais ensuite, on voit Silas. Ou Sylvain. Silas, on le voit apparaître la première fois dans Acte 15. Et on le présente comme Paul et Barnabas, Jude, appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères, vont être envoyés avec Paul. Vont être envoyés avec Paul pour confirmer ce que l'Église de Jérusalem a dit. Ils vont être envoyés comme témoins avec Paul et Barnabas. Ils vont être envoyés avec eux. Les apôtres ont transmis une lettre, de l'information, et ils n'envoient pas juste Paul et Barnabas, ils vont envoyer des témoins de l'Église de Jérusalem pour confirmer que ça vient bien des apôtres et que ça vient bien d'eux autres. Et que les apôtres ont vraiment dit ce qu'ils avaient à dire. Donc, Silas, ce que je voudrais faire ressortir, c'est que Silas, ce n'est pas n'importe qui ont envoyé. C'est pas avec n'importe qui que Paul va se promener et commencer les églises. C'est avec quelqu'un qui était considéré entre les frères à Jérusalem. Donc, Paul va partir avec des hommes, avec deux hommes, un qui va quitter, un autre va s'en aller, Jude va partir, mais Silas va rester avec Paul, et finalement, Silas va devenir un compagnon d'œuvre de Paul, et il va faire partie avec Paul de ceux qui vont travailler à la mise en place de l'Église de Thessalonique. C'est pour ça qu'il le nomme ici. Les chrétiens thessaloniques le connaissent, savent c'est qui il est, savent quelle autorité il a, quelle sorte de chrétien qu'il c'est, quelle sorte de vie qu'il fait. Et donc, ils connaissent. Ça vous est déjà arrivé quand vous recevez quelque chose, un texto ou un courriel, puis vous ne savez pas c'est qui. Vous faites quoi avec ça d'habitude? Flush! Flush! Je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Flush sa poubelle! J'ai dit, si vraiment je le connais, il m'écrira encore une fois. Après 10 fois, je vais peut-être conseiller d'ouvrir la lettre. Mais si je ne les connais pas, mais quand je les connais, les gens qui ont un impact dans ma vie, je les ai connus. Ils étaient là quand je suis venu au Seigneur, dans les débuts. Parce que c'est ça qu'ils vont faire, les autres sont là quand ils commencent l'Église. Donc, ça a un impact sur leur vie de savoir que Silas est avec Paul. Donc, et on a aussi Timothée qui va être pris par Paul. Pourquoi Paul va choisir Timothée? C'est ce qu'on sait. Pourquoi il choisit Timothée? Pour l'emmener avec lui en mission. C'est quoi ça? C'était comme pour tout à fait juif, là. Il y avait un père des Nations. Oui, il y avait un père grec, ouais. Une mère juive. Ça, c'est du quoi qui pouvait l'aider? C'est pas la première chose qu'il considère. C'est marqué dans les Écritures que les frères de deux églises rendaient de lui un bon témoignage. Et là, Paul va le prendre et va l'emmener avec lui. Paul va le prendre parce qu'il veut former la génération qui va suivre. C'est ce qu'il va lui dire un peu plus loin. Ce que je t'ai donné à travers les années, donne-le à quelqu'un d'autre qui va le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, Paul, il est toujours accompagné. Si vous lisez sa vie dans les Actes et à travers les Épîtres, Il est toujours entouré d'une en 5 à 10, des fois 12 hommes qui marchent avec lui, qui travaillent avec lui, qui envoient, qui va en anglais, en français, Joël, qui est dispatché. Il va envoyer Timothée, on va le voir dans nos lettres, il va envoyer une fois Timothée, une fois il envoie Tite, une fois il envoie des gens, mais la majorité du temps, ils vont être avec lui. Des fois, ils sont avec lui dans les bons jours, mais des fois, ils sont avec lui dans la prison. Donc, ils vont connaître, vont savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la vie chrétienne pour Paul. Donc, c'est pas des gens ignorants de la situation. Donc, Paul va le prendre, Timothée, puis il va le traîner avec lui pendant des années, des années, des années. Et finalement, Timothée va prendre la relève. Quand Paul va partir, va mourir, Timothée va devenir une référence. Aussi. Ça, c'est Paul et c'est nos trois amis. Pourquoi il les met ensemble? C'est parce qu'on croit que Sylvain et Timothée étaient là quand l'Église a commencé, l'Église de Thessalonique a commencé. Donc, ils les nomment parce qu'ils les connaissent, ces gens-là. Mais on sait que l'épître est écrite par Paul. C'est Paul qui écrit. OK, c'est Paul qui écrit. Tout le monde est d'accord avec ça. Et tout le monde sait que c'est Paul. Avant d'arriver à Thessalonique, juste avant d'arriver à Thessalonique, Paul était où? À Philippe. Dans la ville de Philippe. Il a commencé une église, là, avec une femme qui s'appelait Lydie. Et vous souvenez que dans cette histoire-là, ce moment-là de sa vie, il va chasser une femme qui avait un esprit de python. Et à cause de cela, il se fait mettre en prison, il se fait battre, il se met en prison, il se fait persécuter à cause de ça. Et là, finalement, on va le relâcher et il va partir de là, puis il va s'en aller vers Thessalonique. Donc, je me suis demandé à moi-même, qu'est-ce qui le motivait tant de sortir d'une prison puis envisager de s'en aller dans une autre prison? Parce que c'est ça qui arrivait quasiment de ville en ville. C'était soit les persécutions, soit la prison, soit le fouet, soit les difficultés. Il était emprisonné à Philippe? Pendant un certain temps. Là, je pense que c'est là qu'ils vont invoquer sa citoyenneté romaine. Ils vont le relâcher et il va aller chez Lydie quelques jours. Et là, il va partir de là, puis il va s'en aller vers Thessalonique. Donc, il part d'une place difficile, puis il va aller dans une place, ne le sachant pas à l'avance, dans une place super difficile. Ça va être encore plus dur à Thessalonique qu'à Philippe. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui le motivait? Étais-tu un maso? Étais-tu un gars qui aimait souffrir? Ça fait des années qu'il se fait malmener, battre, puis continue, puis continue. Puis là, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est à Philippe, il y a eu des mauvais jours, il y a eu des beaux jours. Il y a eu la conversion de Lydie, il y a eu la conversion de toute la famille du geôlier. C'est ça qui motivait Paul de continuer. Il savait, oui, je vais souffrir, mais oui, je sais qu'il y a des gens qui vont se convertir. Et c'est ça qui le motivait à continuer, à accepter la souffrance. Parce que s'il n'y avait jamais de conversion, tu disais, mais peut-être qu'il aime ça, souffrir le gars, tu sais. C'est quoi ça donne de tout ça de base, ça n'arrivera jamais. Mais il y avait toujours le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur sauve des gens, le Seigneur transforme des vies. Puis il a vu des gens être transformés, puis ça l'a encouragé à continuer à vivre pour le Seigneur à travers toutes ces difficultés-là. Donc, si vous voulez, tournez dans votre Bible, dans Actes 17, on va aller lire des quelques versets. Quand mon Paul semble dire enfin, il va sortir de Philippe. Enfin, il va sortir de la prison, de la difficulté, et il s'en va vers Thessalonique pour aller annoncer l'Évangile. Donc, il n'y a pas une grande distance entre les deux, probablement quelques jours de marche, là, mais il n'y a pas tellement de distance. entre les deux. Les deux, ça se trouve dans le district de la Macédoine, je pense que c'est dans ce côté-là. On va lire de 1 à 10. Ghislaine, tu veux-tu lire à partir de 1 à 10? Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors, ils amenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ces individus, criait-il, ont mis le monde entier sans dessus-dessous, et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissent tous contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi nommé Jésus. Ils mirent ainsi en émoi le peuple et les politarques qui les écoutaient. Et ce ne fut qu'après avoir reçu une caution de Jason et des autres qu'ils les laissèrent aller. Verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc, ici, on a les quelques semaines que Paul était à Thessalonique. Pas long, là. Il y a 3 sabbats. Il s'est débattu avec les Juifs pendant 3 sabbats. Et il va rester encore un peu de temps après, mais on pense qu'il n'a pas resté bien, bien plus longtemps qu'un mois, un mois et demi, qu'il va rester là. Donc, encore là, il faut se souvenir. Il va falloir prendre ça en considération. 3 mois, il est parmi les Juifs. Mais dans ces Juifs-là, il y a des Grecs qui sont là aussi. Parce qu'ils sont dans la synagogue avec les Juifs. Donc, c'est probablement des prosélytes grecs. Des gens, c'est des Grecs qui sont dans la synagogue avec les Juifs le jour du sabbat. Donc, ils ont une certaine croyance en l'enseignement de l'Ancien Testament. Et donc, Paul va disputer. Dans ma Bible, c'est marqué disputer. Donc, c'est discuter. Donc, c'est s'entretenir de différentes façons. Mais il se débat pour démontrer que le Jésus qu'il annonce, c'est le Christ de l'Ancien Testament. Et les Juifs se débattent pour prouver que ce n'est pas lui. Donc, il y a un débat. Et les premiers chrétiens vont avoir entendu le débat. Puis, ils vont être tous comme Chantal, prendre des notes. Je ne sais pas si on prend des notes. Après, souvenez qu'est-ce que Paul va avoir dit. Mais il ne se doute pas que dans quelques semaines, Paul ne sera plus là. Il ne sera plus là. Donc, il va rester là encore quelques semaines, peut-être après. Donc, on va dire que c'était une très jeune église à qui Paul écrit. Pas beaucoup de connaissances. Pas beaucoup de connaissances par rapport à ce qu'il comprend, ce que nous, on a dans le Nouveau Testament. Mais ils ont entendu, on ne sait pas combien de temps, leur rencontre durait une heure, deux heures, une après-midi. Combien de temps ils ont entendu les débats, les réponses de Paul, les questionnements des gens, les preuves qu'ils donnaient de l'Ancien Testament? Parce que, souvenez-vous, c'est tous des gens qui connaissent l'Ancien Testament. Ils sont dans une synagogue. Donc, il y a des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament depuis longtemps, et il y a des Grecs qui sont là, on ne sait pas combien de temps, mais qui connaissent l'Ancien Testament, parce que c'est ça qu'on leur enseigne à tous les jours de sabbat. On leur lit l'Ancien Testament, puis on leur enseigne l'Ancien Testament. pas toujours de la bonne façon et dans le contexte, mais c'est l'Ancien Testament tout de même. Donc, ils ont une petite connaissance de des prophéties annoncées, ce qu'ils avaient probablement entendu, et ils ont très peu de connaissance de ce que Paul connaît ici. Mais il y a eu le temps. Parce qu'on va voir plus loin, il va dire, « Je vous l'avais dit quand j'étais chez vous. Je vous l'avais dit quand j'étais chez vous. » Donc, il leur a dit des choses. Il n'a pas eu le temps de tout dire, bien entendu, en quelques semaines, à ces nouveaux croyants. Donc, il faut se souvenir de ça. L'Église a commencé, et ça a été tout de suite la persécution à un tel point que ça ne sera pas long, que Paul va être obligé de fuir. Il va être obligé de fuir. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit Paul fuir la nuit en se cachant pour fuir devant la tribulation ou la persécution. Donc, mais quand Paul va leur écrire dans la première épître et dans la deuxième, il était là, lui, quand ça a commencé. Il a vu la réaction des gens. Il a vu la colère des Juifs. Il a vu la réaction des non-Juifs ou des Grecs qui étaient là aussi, qui n'étaient pas d'accord. Donc, il a vu, il sait de quoi il parle. Il a vu les gens, qu'est-ce qui se passait à Thessalonique. Donc, il n'est pas ignorant de la situation. C'est pas juste, j'ai entendu dire par les gens de Chloé, c'est pas comme dans Corinthiens, j'étais là et je l'ai subi, j'ai été obligé de fuir. On voulait ma peau, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait pris Paul. On sait seulement qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jason. Mais François, les gens réagissent à son enseignement, à Paul ou à Paul lui-même? L'enseignement de Paul qui lui est en train de leur dire, et il va réagir aussi au fait que beaucoup de gens sont d'accord avec lui. Certains Juifs sont d'accord avec lui et certains Grecs sont d'accord avec lui. Et ça, les dirigeants des synagogues n'aimaient jamais ça, parce qu'il y a une forme de jalousie humaine, puis on appelle ça en québécois perdre la face. Hein? Il y a quelqu'un qui arrive, un étranger, puis qui prouve par les Écritures que tu as tort. Les Écritures que toi-même t'enseignes. Et tu as tort. Puis les gens croient en partie, on ne sait pas combien, mais c'est marqué quelques Juifs et plusieurs Grecs. Donc, 10, 15, 20, 30, je ne sais pas. Mais ça, c'est tu perds un peu la face là, devant. Et là, ça l'alimente. La jalousie, la colère, la frustration alimente les raisons pourquoi tu veux et tu veux persécuter l'Église à ce moment-là, persécuter Paul ici, ou les chrétiens qui commencent là. Ça, c'est nos trois amis qui ont commencé ensemble. Vous avez vu en lisant que Silas était là. Hein? Et Silas, c'est Paul, puis il était là avec lui. Là. Donc, c'était pas quelqu'un qui n'était pas présent. Il était présent aussi. Maintenant, on va voir, ça c'est nos auteurs. Donc, si vous voulez bien comprendre un livre, plus vous connaissez les auteurs, plus vous allez comprendre mieux le livre. Ça va être facile comme ça. C'est plus facile. Plus je connais l'auteur, plus je comprends mieux le livre qu'il écrit. Maintenant, on va voir les destinataires. Là, c'est l'auteur. Maintenant, on va voir les destinataires. À qui est destiné ces deux lettres-là qu'on va lire ensemble, qu'on va étudier ensemble. C'est marqué à l'Église des Thessaloniciens. Donc, ça s'adresse particulièrement, premièrement, à l'Assemblée de Dieu à Thessalonique. Pourquoi je dis de Dieu? Parce que juste après, c'est marqué qui est en Dieu et en Jésus-Christ. Donc, c'est un peuple, c'est un ensemble de croyants. Et donc, ça veut dire que la lettre n'est pas individuelle, premièrement. Elle s'adresse à une assemblée. Si Paul, quand il voulait écrire une lettre à un individu, il disait « lettre de Paul à Timothée »,« lettre de Paul à Tite ». Quand je m'adresse à un individu, que j'ai quelque chose à lui dire à lui personnellement, ben, je m'adresse à lui, j'écris une lettre à lui. Je n'écris pas une lettre à un individu en m'adressant à toute l'Église. Ça serait un peu pas logique de penser comme ça. Donc, l'Église, dans son ensemble, a besoin d'entendre des choses. Et Paul va écrire à l'Église. Donc, je m'adresse à l'assemblée, au groupe de croyants qui étaient à Thessalonique. Pourquoi est-ce que je crois que c'était des croyants? Parce qu'il dit, parce que le mot église, vous savez que ce n'est pas le mot, c'est le mot assemblée que là. Moi, c'est le mot assemblée, ecclésia, veut dire un rassemblement de personnes. Ça pourrait être politique, ça pourrait être économique, ça pourrait être pour n'importe quelle raison. C'est un rassemblement de personnes. Non, mais à quel rassemblement est-ce que tu fais appel, Paul? À quel rassemblement est-ce que tu écris? C'est quelle assemblée que tu écris, là? Là, il dit, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur? Donc là, ça commence à nous dire à qui qu'il va écrire. Il écrit à un groupe qui reste dans la ville de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. C'est ces gens-là. Les autres qui ne font pas partie de cette assemblée-là, ben, ce n'est pas eux autres qui écrivent. Il écrit à ces gens-là. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, que quand tu dis « Je m'adresse à des gens qui sont en Dieu le Père et en Jésus le Seigneur. » C'est intéressant, hein, qu'il dit « Père, Dieu le Père et Jésus le Seigneur. » Pourquoi c'est Jésus le Seigneur? Pourquoi c'est pas Dieu le Seigneur et Jésus le Sauveur? Mais il dit Dieu le Père et Jésus le Seigneur. Donc, il dit, je m'adresse à des gens qui sont un. Le mot un, ça veut dire quoi pour vous? Je suis en Dieu, en Christ. Vous souvenez, on avait vu ça dans Éphésiens, ça revenait 20, 25 fois. En Jésus. Quand je suis en quelqu'un, ça veut dire que. Ça veut dire quoi, ça, pour nous autres? Ils sont en Dieu et en Christ. Ça veut dire qu'on croit. On croit à la personne. Hein? Oui, juste à ce point, je ne peux pas dire que c'est faux, hein, que tu crois en Dieu et en Jésus. Mais pourquoi... c'est comme ça qu'on les identifie. Mais quand tu dis « j'existe en... » Tu sais, en enfant, on existe en Jésus, sans Jésus, sans Dieu, on ne peut pas avoir l'existence de la vie régénérée qu'on a, de nature, de ce travers qu'on existe. Oui. C'est en partie de ma réponse, en partie. Mais « en », ça veut dire que je m'identifie. Quand Jésus dit, Jésus parlait des fois, je suis en Dieu. Je suis en Dieu, donc Dieu puis moi, on est ensemble. Je m'identifie avec la personne. C'est pas juste quelque chose qui m'est arrivé. C'est avec quelqu'un, est-ce que je suis en relation? Je suis en Dieu, le Père. La raison pourquoi il dit le Père, selon moi, ça veut dire que c'est Dieu qui met en place l'Église. C'est Dieu qui va engendrer l'Église. Parce qu'ici, Jésus va être présenté comme c'est celui qui dirige l'Église, le Seigneur. Je suis en Jésus, le Seigneur. Je suis celui... J'ai un peuple qui est en Dieu, puis qui est en Christ le Seigneur. Donc, Dieu est leur Père, et Christ est leur Seigneur. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Parce que quand il va leur parler de Dieu dans les deux épîtres qu'on va lire, il s'adresse à des gens qui ont pour père Dieu et qui ont comme Seigneur dans leur vie Jésus. C'est pas juste des gens qui s'assemblent, c'est des gens qui sont en relation avec deux êtres qu'on appelle Dieu le Père et Jésus le Seigneur. Et c'est important. Vous allez voir que ce que l'Église vit, ce que l'Église, à Thessalonique, mais ce que l'Église vit en général, si vous écoutez les inconvertis parler de l'Église, ils sont dans une incompréhension totale de pourquoi est-ce qu'on est aussi éduqué. Pourquoi qu'on est aussi épais? Pourquoi qu'on accepte d'abandonner pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'on accepte donné pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'on accepte de souffrir pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'on accepte d'être rejeté par nos familles? Parce que ils ne comprennent pas dans leur tête. Ils ne comprennent pas. Mais moi, je me suis fait dire, mais tu aurais dû continuer à croire dans l'Église catholique, François. Qu'est-ce que tu avais besoin de sortir? Tu aurais dû vivre ta foi avec ta mère et tes frères dans l'Église catholique. Pourquoi tu as sorti de là? Ils ne comprennent pas, c'est incompréhensible pour eux autres. Des gens qui sont prêts à mourir pour un Dieu qu'ils ne voient même pas. Des gens qui sont prêts à mourir pour annoncer l'Évangile, ils ne comprennent pas ça dans leur tête. Ils ne saisissent pas dans leur tête les convertis. Ils comprendraient si eux autres sont prêts à donner leur vie pour quelque chose qu'ils croient. Okay? S'ils ont quelque chose pour quoi ils croient, ils vont dire, bah, ouais, je comprends pourquoi ils font ça là. Au tout, je le fais, là, au tout, je suis en train de mourir pour ma foi, là, donc je comprendrais. Mais il n'y a pas grands inconvertis qui sont prêts à mourir pour la foi. Là. On peut en mourir pour d'autres choses, mais pas pour la foi. Et donc, il s'adresse au peuple de Dieu, qui ont pour Père Dieu, et un peuple qui ont pour Seigneur le Christ Jésus. Parce que ça ne fait pas de sens quand il va leur parler. Ça ne fera pas de sens si ce peuple-là n'a pas comme Père Dieu, qui n'a pas Jésus comme Seigneur, ça ne fera pas de sens, hein, ce qu'il va leur demander. Ça ne fera pas de sens. Tu demandes ça à un être humain en général, il va dire, c'est une taille sur l'affaire, mais non, non, t'es fou, malade, hein? Mais les gens qui sont en Dieu et en Christ, quand Paul va leur parler, ils vont comprendre. Puis quand il va dire, ce que je vous dis là, ça vient du Seigneur Jésus, là. C'est ça qu'il va leur dire, là. C'est votre Seigneur à vous, hein? C'est votre Seigneur à vous. C'est lui qui a dit ça, là. C'est pas moi, Paul, qui a dit ça. C'est, je vous rapporte les paroles du Seigneur, là. Puis après ça, il va leur dire, j'ai pas voulu. Autre phrase que je voulais dire. Ça va me revenir dans les mois qui vont suivre. c'est vraiment important qu'ils saisissent nos petits bouts qui me reviennent, qu'on va voir. Il dit, vous aviez appris de Dieu lui-même à aimer. Là, je dis, vous n'avez pas besoin de comprendre. Il dit, vous avez appris de Dieu lui-même comment vous aimez. Waouh! Comment est-ce que Dieu vous a montré ça? Et comment est-ce qu'on a pu savoir comment Dieu aimait? Parce que Dieu veut qu'on imite. Il dit, j'ai appris de Dieu comment aimer. C'est Dieu veut qu'on imite. C'est quelque chose de lui, là. Donc, Dieu vous a montré comment vous aimez. OK. Mais ça, je ne peux pas le savoir si Dieu n'est pas mon Père. Si Dieu est mon Père, là, je pourrais savoir comment j'ai été aimé par ce Dieu-là. Mais si ce n'est pas mon Père, je ne pourrais pas savoir. Donc, cette Église-là, elle est engendrée par Dieu, le Père, puis elle a comme Seigneur Jésus. Ailleurs, on va parler qu'il est la tête de l'Église, qu'il est le chef de l'Église. Il y a différentes façons de le dire. Mais il n'y en a rien qu'un qui domine. Bon, ça va plus de 3 mois, c'est intervenu, c'est venu. Le petit bout que je voulais vous dire. Hey, François, parle pas, là, dis-le. Il dit, ceux d'entre vous qui vont rejeter ce que je vous dis, là, la vengeance de Dieu est sur vous. Quand tu dis ça à quelqu'un, il faut que tu sois sûr que le gars qui t'écoute, il y a le même Seigneur que toi. Parce qu'il va t'en vouloir. OK? Et si vous rejetez les préceptes que je vous donne là, la vengeance de Dieu va venir sur vous. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Il y a juste des croyants qui peuvent accepter de telles paroles. Juste des croyants qui peuvent accepter ça. Les autres vont dire, ouais, t'es malade, mon père. Donc c'est pour ça que c'est important quand on lit, c'est pas juste des belles phrases, une phrase qu'on répète. En Dieu le Père, en Jésus notre Seigneur, on prie, hein, j'ai déjà dit une fois qu'il était. Si on dit tellement souvent dans une prière le mot Seigneur qu'on devrait tomber à genoux à quelque part. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Puis on dit tantôt Seigneur, Seigneur, Seigneur, mais finalement, on va finir par tomber à genoux devant le Seigneur pour qu'on puisse dire, tu es vraiment mon Seigneur. Je vais agir comme t'es mon Seigneur. Nous, c'est des mots qu'on a répétés depuis des années, ça ne fait plus vraiment de sens dans notre tête. Ça revient à ce que tu disais la semaine passée, quand tu disais notre façon d'agir, d'être réceptif aux hommes de Dieu, comme par rapport à Noé. Là. Si on prend ce que l'homme de Dieu donne, on va être dans la joie de Dieu, on va participer à ce que Dieu c'est plus Noé, là, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu incarné. Là, on est dans un autre. Ouais. Parce que Paul lui parle quand je l'ai reçu directement de Jésus. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et lui. Là. Jésus me l'a dit en me regardant dans les yeux, puis moi je vous le dis. Il n'y a pas de place à l'interprétation, il n'y a pas de place à tirer. C'est dans les versets qui dit ça, comme tu dis, les préceptes que je vous donne, si vous ne les gardez pas, c'est dans quel verset qui dit ça? Ça va être au chapitre 4, je pense, qui va parler de ça. Ça, c'est l'Église. Et donc, elle est majoritairement grecque, l'Église. Mais elle a des Juifs à l'intérieur. J'ai fait une recherche sur cette Église, leur arrière-plan religieuse. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme arrière-plan? Nous, on est des catholiques. Hein? Ça paraît. Ça paraît encore, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a encore des choses qui nous ont été imprégnées pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui nous ont été répétées, puis ça nous a marqué jusqu'à certains points. C'était romain. Il y avait un arrière-plan romain. Ils vivaient dans un empire romain. Okay. Donc, mais eux autres, à Thessalonique, il y avait, on va voir tout à l'heure, ils vont parler, vous avez abandonné vos idoles. C'était qui ces idoles-là pour eux autres? C'est qui les idoles qu'il y avait, eux? On s'est posé la question une fois. C'était quoi mes idoles que j'avais avant de me convertir? Les autres aussi, il y en avait des idoles, hein? Tous les êtres humains ont des idoles dans leur vie avant de se convertir. Les autres aussi, il y en avait. Ça va faire du sens tout à l'heure. Quand, si je comprends bien quelles idoles qu'ils avaient, je vais comprendre mieux les exhortations de Paul à leur égard. Si moi, je vous dis, là, hey, depuis qu'on est chrétien, on ne s'adresse plus aux saints. Tout le monde comprend dans la salle ici. Même musulmans dans la salle ne comprendront pas ce qu'on dit. Mais tout le monde comprend, parce que nous, dans notre langage, on sait ce qu'on veut dire par là. Hein? Donc, quand Paul le parle, mettons, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, on ne se fait pas baptiser pour les morts, nous autres, là. On a toute la misère à comprendre ce qu'il veut dire. Mais les autres, ils ont compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Et donc, quand il parle ici aux Thessaloniciens, il va leur dire des choses. Les Thessaloniciens, ils comprennent, eux autres, là, tout de suite, ce qu'il est en train de dire. C'est nous autres, des fois, qui avons de la misère à comprendre, parce qu'on dit, ben, pourquoi ils parlent là, non? Pourquoi ils parlent là? Mais si on ne comprend pas quel genre de vie qu'il y avait avant, comme quand vous lisez, mettons, en Corinthien, il dit, des viandes sacrifiées aux idoles, ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles. C'est quoi cette histoire-là? Les épiceries sont pleines de viande que... Les autres, ça faisait partie de leur culture. On tuait des animaux, puis on vendait la viande au marché. Il y a des chrétiens qui ne voulaient pas manger la viande qu'on vendait au marché, puis qui avaient été sacrifiés à des idoles avant. Mais nous, ça ne nous dit rien, ça, de nos viandes, là. On se demande s'il n'y a pas trop chimique dedans, là, on se pose la question aujourd'hui. Mais dans le tête, là. Mais on se demandait, ouais, est-ce qu'ils ont été sacrifiés à des idoles, ces viandes-là, ou pas? Puis il y en a qui des chrétiens qui disent, mange pas ça, pas d'oignon, pas de ci, pas de ça. Il y avait leurs idées. Puis Paul est obligé de se battre avec eux autres, puis dire, hé, attends un peu, c'est peut-être pas péché, là. C'est peut-être pas péché de manger ça, là, même si c'était sacrifié aux idoles. Et peut-être ça l'est. Donc, nous, là, quand on va lire, puis que Paul va leur donner des exhortations, quand il va dire, vous avez été appelés à la sanctification et non pas à l'impureté. Qu'est-ce qu'il leur parle, là? Qu'est-ce qu'ils veulent leur dire, là? Est-ce que dans leur arrière-plan, ça fait du sens dans leur tête, aux autres, ça? Puis nous autres, on pense tout de suite sexe. Mais ça veut dire ça pour eux? Pourquoi dire ça à cette église-là? Pourquoi leur dire, Dieu vous a appelé à la sanctification, non pas à la pornographie ou à la à l'impudicité ou à l'impureté. Nous autres, on dit, ben voyons, est-ce que l'Église de Thessalonique avait des problèmes avec ça? Pourquoi? Ça fait peut-être un sens si je saurais quelle idole il y avait avant dans leur vie. Ça ferait peut-être un peu plus de sens, c'est plus facile à comprendre si je le savais. Si je ne le sais pas, je vais probablement faire l'erreur de dire, ben, le Seigneur nous demande d'être des bonnes personnes, de ne pas tromper nos femmes, puis nos maris, puis de ne pas regarder la pornographie, puis de ne pas faire ci. Ah, c'est ça que Dieu nous demande. Voilà. Mais c'est ça qu'il demandait, ou c'est pas ça? Je ne dis pas de regarder, puis de faire ci, là, de tromper vos maris, vos conjoints. C'est ça qu'il est en train de dire, mais si je pourrais comprendre c'était quoi leurs idoles, peut-être que ça fera un déclic dans ma tête, qu'est-ce que Paul est en train de leur dire. Donc, c'est. Vous souvenez quand on a fait des autres épîtres, je vous disais que chez l'apôtre Paul, il y a une expression qui revient souvent. Et l'impureté et la voilà. En tout cas, l'amour de l'argent. L'avarice. Non. L'avarice. C'est... L'avarice. Et on va le voir, mais qu'on passe là. Il parle du côté de l'argent, du côté. Puis on a toujours l'impression qu'il s'adresse à du côté moral de nos vies. Et, mais il faudrait peut-être comprendre peut-être autre chose. Non, c'est. L'impudicité et. En tout cas, on va le voir. Ça n'a pas rapport à l'argent. Ça n'a pas rapport à l'argent, c'est dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est vraiment l'argent de nos pays? C'est-tu du matérialisme? C'est-tu de l'avarice? C'est cupidité, je pense, le mot. Cupidité, merci. Donc, c'est le mot l'impureté et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, c'est-tu donc, lui, il fait. Pourquoi tu me mets ça? C'est toujours de l'idolâtrie, la cupidité? C'est toujours de l'idolâtrie, de l'impureté? Donc, si un chrétien a des pensées impures, il est un idole automatiquement? Mais nous autres, ça nous dit pas grand-chose. On fait juste penser morale, avoir une bonne vie morale. Mais est-ce que pour les gens qui ont reçu, ça voulait dire autre chose dans leur tête? Donc, ma mère, elle disait, faites attention aux prêtres. Nous autres, elle ne nous dit rien, faites attention aux prêtres. Elle avait une idée de sexualité en arrière, quand elle dit, faites attention aux prêtres. Parce qu'ici, elle vous emmène dans des petits coins, et Gaëtan nous a conté son témoignage, sa mère, avant de l'envoyer au collège, elle dit, dessin ici, là, va dans la cave, puis elle a dit, fais bien attention aux frères, hein, puis elle l'a averti. Donc, pour Gaëtan, ça faisait du sens, là. Mais pour quelqu'un qui vient dans une autre culture, ça ne faisait pas de sens, là. Donc, nous autres, il faut un petit peu comprendre la culture des Thessaloniciens, leur arrière-plan. Il y avait des dieux qui étaient là, comme un qui s'appelait Zeus, que vous avez entendu parler dans les films de Marvel. Puis il y avait un autre qui s'appelait Dionysos, qu'on va voir ensemble. Le dieu de la débauche et du vin. Et quand on va arriver dans l'impureté, puis qu'on va arriver dans ces choses, on va dire peut-être, hop, fais-tu référence à leur ancienne vie de débauche religieuse? Mais non, s'il fait juste notre vie de débauche à nous, pas quotidienne, mais sociale dans laquelle on vit. Il faut faire attention. Si je ne comprends pas c'était qui ces Grecs-là, ça va avoir de la misère un petit peu à comprendre c'était qui les gens à qui ils s'adressent. Et avec quoi ils combattent? Vous combattez. Je vais vous mettre. Nous, on a combattu avec les œuvres. Pourquoi? Parce qu'on a été sonnés pendant 20 ans. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres vont éviter le purgatoire. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres vont te faire bénir. Les bonnes œuvres. On a entendu parler des bonnes œuvres. On se convertit, on voit le mot bonnes œuvres. On fait tout de suite un lien avec ce qu'on a entendu pendant 25 ans, 30 ans. Mais c'était tout ça que l'auteur voulait parler. Il faut faire attention. Comment est-ce qu'on le comprend? Donc, on va essayer de comprendre ce côté-là. Cette église-là qui est commencée, que j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu au début, reçoit une lettre en pleine guerre spirituelle. On va appeler ça comme ça. Elle a des ennemis physiques et Paul va faire ressortir à quelques reprises un ennemi spirituel, Satan. Il dit, je me troublais, je m'en arrachais les cheveux la nuit, je suis convertissant québécois, parce que j'avais peur que Satan vous ait tenté et que j'ai travaillé en vain. Il dit, j'avais peur que Satan vous a tenté et que finalement, il vous a eu, il vous a abandonné la foi et que j'ai travaillé en vain. Puis il va dire à deux reprises lui-même, à au moins deux reprises, j'ai voulu aller vous voir, mais Satan m'en a empêché. Paul est conscient dans sa vie et dans la vie de l'Église qu'ils ont un ennemi. Et les deux sont un danger pour la foi. La persécution est un danger si on ne la comprend pas, si on ne l'accepte pas, c'est un danger d'abandon de la foi, où Satan va venir nous tenter et pousser les gens à abandonner la foi. Donc ici, on va se rappeler ça. On va se rappeler ça pendant qu'on va lire. Ce n'est pas des gens en vacances qui reçoivent la lettre, c'est des gens qui souffrent pour la foi qui reçoivent la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'étais en prison pour ma foi, si j'avais perdu ma maison hier, si j'avais été rejeté hier pour ma foi, comment je la comprendrais, cette lettre-là? Qu'est-ce que je verrais dans la lettre? Comment ça m'encouragerait? Ça me pousserait à faire quoi si je recevrais ces vérités-là? C'est précisément. Quand on n'est pas dans la situation, on va essayer de l'adapter à nos situations personnelles dans nos vies. C'est-à-dire que si on parle de bénédiction, on va dire, ben, le Seigneur va me bénir, je vais avoir une job. Mais les gars, ils n'étaient pas en perte de job à ce temps-là. Ils étaient en perte de vie, en guillemets. Donc pour eux autres, quand Dieu va vous bénir, pour eux autres, ils ne s'attendent pas à ce que ça va être matériel dans leur temps. Parce que c'est pas ça, là, c'est pas ça qu'ils veulent, pas ça qu'ils ont besoin non plus. Le fait que nous, on n'est pas dans une période de persécution, qu'on ne perd pas nos maisons, nos jobs, tout ça. Ça s'adresse-tu à nous? La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi toute l'histoire de l'Église qu'on lit est sous persécution et que nous, on ne serait pas? C'est la question qu'on devrait se poser. Si ça s'adressait toujours à des gens persécutés, comment ça, qu'est-ce que ça vient faire avec nous? S'ils ne sont pas, si on pense qu'on ne l'est pas, ça vient faire avec nous? Comment on doit comprendre ça, nous autres? Qu'est-ce que l'Église vivait pour être si persécutée à ce temps-là? Puis arrivé aujourd'hui, on ne serait pas persécuté. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On n'est pas la même évangile? On n'est pas la même affaire? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont-ils devenus meilleurs? Dans notre génération, les gens sont-ils plus tolérants? Sont-ils plus... Ça peut être juste le contexte social qui est différent. Parce qu'actuellement, nous, on ne vit pas dans un contexte social religieux. De persécution de autour, je veux dire, notre société ici n'est pas comme ça. On irait vivre dans des pays musulmans, là, on vivrait probablement autre chose. Oui. Il y a le côté social qui est fait, mais on va voir qu'il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. Et ce côté social, même dans des moments où les gens semblent avoir le même arrière-plan social que nous, ils sont persécutés pareil. Donc, ça veut dire quoi? Si c'est juste ma société qui est tolérante à l'Évangile, ça pourrait, je ne dis pas que ça se peut pas. Mais ce qu'on va voir ensemble, Paul va dire, l'Évangile que je vous ai donné, elle, fait du trouble. Pas elle, il, parce que l'Évangile, c'est masculin. L'Évangile que je vous ai transmis, elle, pousse. Il pousse à faire des problèmes. C'est pas les gens, c'est pas la société le problème, c'est l'Évangile le problème. C'est elle qui met le trouble. C'est elle qui met le trouble. L'Évangile. Je vais dire la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est elle qui fait le problème. C'est la bonne nouvelle qui amenait les gens à réagir. C'est pas Paul le problème. C'est qu'il disait, La bonne nouvelle, c'est que Christ est arrivé. Puis vous autres, vous ne croyez pas, puis Christ est arrivé. Wow, t'as un peu. Tu es en train de dire qu'on se trompe, tu es en train de dire qu'on n'est pas correct. Wow, t'as un peu. C'est l'Évangile qui était le faiseur de troubles, et non pas les gens qui annonçaient l'Évangile. L'Évangile, elle, amène le problème. C'est l'Évangile, elle. Il. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Il va falloir que je m'habitue. J'ai toujours dit elle, fait que ça va prendre 45 ans de répondre. Donc, je vais dire bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, il y a des humains qui sont les ennemis, puis vous allez, si vous lisez l'épître, les deux épîtres, vous allez voir 7-10 fois que Paul va leur dire. Il va leur parler de tribulation, de maux, des maux, là. Tribulation, persécution, calamité, affliction, souffrance, affliction. Je ne vous dis pas ça pour que dire, non, c'est juste dire, je veux juste comprendre que les gens qui reçoivent la lettre sont dans cette situation. Ça veut leur dire quoi pour eux? Si j'oublie ça, je vais essayer de donner un autre sens à ce qu'il est en train de dire. Je vais essayer de trouver un autre sens. Si on essaie d'appliquer ces versets-là dans nos vies, puis si je ne suis pas là, tu dis, mais. Qu'est-ce que je fais avec ça, cet enseignement-là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je me sens en pratique? À quoi ça me sert, moi, ça, que tu me parles de régime quand je paye 125 livres et que je me dis 6 pieds? Qu'est-ce que je fais avec ton régime? Ça ne s'adresse pas à moi, ça. Ben oui, ça s'adresse à tout le monde. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, d'abord? Parles-tu d'une autre sorte de régime? De quoi tu parles? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il faut comprendre que celui qui écrit est dans lui-même dans la tribulation, et celui qui reçoit la lettre sont dans ce temps-là aussi. Et ça va, vous allez voir que ça va faire du sens quand on va le lire, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire. Et là, on a vu, je vous ai dit, tout à l'heure le deuxième, le tentateur est Satan. On l'a vu dans Éphésiens. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre Satan. J'ai regardé la semaine passée, vous avez dit que j'avais regardé quelques vieux films. Et Martin Luther, à un moment donné, est tellement pogné dans la tentation qu'il prend son encrier et le tire vers le mur en disant à Satan, va-t'en, éloigne-toi, tu ne me feras pas tomber, je ne veux pas tomber, je veux continuer, je veux marcher avec la vérité, je prends à mourir pour la vérité. Il se bat contre Satan. Dans ses tentations, il se bat contre Satan. Donc, ce n'est pas un artifice pour faire peur, comme certains médias convertis vont dire, ça, Satan, c'est juste pour faire peur au monde. Non. En tout cas, Paul semblait croire qu'il existait. Puis, il y avait une façon. On va essayer de comprendre en s'en allant. Comment est-ce qu'il peut dire Satan m'a empêché d'y aller deux fois? Pourquoi qu'il attribue à Satan cela? Pourquoi que Paul sait d'avance que l'Église va être tentée? Parce qu'il dit j'avais peur que vous soyez tenté, que vous abandonniez. Donc il sait que Satan va y aller, il sait que la tentation va venir. Donc c'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est quelque chose qu'il connaît pour sa propre vie à lui, cette tentation. Et la chose la plus importante qu'on va se souvenir, qu'on va essayer de se rappeler, on va le voir à tous les chapitres, en s'en allant, quasiment dans les deux livres, le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Dans tous les chapitres, cinq chapitres qui parlent du retour du Seigneur. Pourquoi? Ça fait-tu du sens dans votre tête? Église persécutée, Église qui souffre, retour du Seigneur. C'est persévérer jusqu'à la fin. Il y a un lien entre les deux. On a vu dans l'Apocalypse que Dieu s'adresse à l'Église qui est en train d'abandonner la foi avec les questions du retour du Seigneur. Ici, on va voir que l'Église est une Église modèle. Mais Dieu va leur parler encore du retour du Seigneur, mais avec un autre angle. Avec un autre angle. Donc, c'est le retour du Seigneur va devenir source de motivation, source d'exhortation, source de, d'espérance. Ça, ça va devenir un sujet, que, moi j'appelle ça un remède, ou un, une vérité qui va emmener ces croyants-là à passer au travers et à ne pas finalement être tentés et tomber. Pour faire face à la tentation du malin, vous avez besoin d'une chose. La vérité. Parce que lui, il va venir avec le mensonge. Lui, il va venir avec le mensonge. C'est sûr et certain. Il y a différentes formes, différentes manières, différentes approches. Il va venir avec le mensonge, parce que c'est pas du mentor. La seule façon que je peux faire face au mensonge, c'est par la vérité. Je n'ai pas d'autre solution. Oh, on peut amener cet esprit qui va nous aider, puis toute la question, puis ça. Mais cet esprit ne fera rien, ce n'est pas la vérité non plus. Donc, c'est la vérité qui va m'emmener, quand le mentor vient dans ma vie, sous toute forme, toute façon d'approche, il vient avec le mensonge. La seule chose que j'ai pour le confronter, c'est la vérité. L'apôtre Pierre dit un peu autrement, résistez-lui avec une foi ferme. Et la foi, ce n'est pas ma capacité de croire. La foi, c'est le contenu de ma foi. Il va venir avec un mensonge, sortir une vérité. Et il va fuir loin de vous. Il n'y a pas grande tolérance à la vérité. Mais il faut que je la connaisse, cette vérité-là, si je veux la sortir. Il faut que je la connaisse. Donc, l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'on va voir dans les deux épîtres, qui va vouloir leur donner des vérités. Il dit, je vous ai envoyé Timothée pour vous affermir, puis moi, il dit, je prie jour et nuit pour pouvoir aller vous voir, pour compléter votre foi, afin que vous puissiez résister. C'est Paul sait qu'ils ne vont pas résister s'ils n'ont pas la vérité. Ça lui prend la vérité pour pouvoir résister. Mais là, à date, ils ont résisté. Jusqu'à là. Ben oui, parce qu'il est illusieux de ça. Donc, on va voir qu'il sait que le statu quo n'est jamais une bonne affaire. Et c'est pour ça qu'il va leur parler, qu'on va voir, vous devez aller de progrès en progrès, vous devez aller de progrès en progrès, vous devez aller de progrès en progrès. Il va leur dire ça à deux reprises au moins. Ou deux. Puis dans la deuxième épître, qui est peut-être quelques années au max, il va leur dire, je rends grâce à Dieu parce que votre foi a fait de grands progrès. Et vous, c'était encourageant, hein? Il dit, je prie que vous fassiez du progrès. Dans la deuxième lettre, il va dire, je rends grâce à Dieu que votre foi a fait de grands progrès. Comment est-ce que ça? Comment est-ce que vu ça? Comment est-ce que pu mesurer ça? Comment ça se mesure, ça, cette affaire-là? Donc, il dit, je rends grâce parce que votre foi a fait de grands progrès. Ah, OK. Est-ce que je peux mesurer la mienne? Est-ce que je peux regarder avec 6 ans en arrière, 5 ans en arrière, est-ce que ma foi a fait de grands progrès? Ou si je suis sur le statu quo? C'est important, hein? C'est ça. On va voir que l'idée de progrès en progrès, c'est absolu. C'est absolu pour attendre le Seigneur Jésus. Le statu quo ne nous permet pas d'attendre le Seigneur Jésus. Mais le progrès, de progrès en progrès, va nous permettre d'aller jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc, c'est ce qu'il va leur parler. C'est tout ce que ça va devenir si important dans chapitre 3 et 4 qu'on est ensemble, dans ces chapitres-là. Donc, ça, c'est notre introduction. Une église qui souffre, qui a entendu l'Évangile, ça ne fait pas tellement longtemps. Quelques années au plus, pas pendant longtemps, peut-être un mois ou deux que Paul était là. On va voir qu'il va envoyer Timothée pour essayer de les aider, les encourager, les affermir. Lui, il ne peut pas encore y retourner parce que les persécutions sont trop fortes. Il ne retourne pas. Et il décide, lui, de s'asseoir et de prendre sa plume ou du papier et dit, je vais écrire. Mais un détail que j'ai oublié de vous dire, la lettre qu'il va écrire ici et la deuxième un peu plus tard, vient seulement après le retour de Timothée. Il n'a pas écrit ça avant le retour de Timothée. Avant que Timothée soit allé et qu'il soit revenu, il a peur qu'il ait abandonné. Quand Timothée revient, là, il dit, « Oh, là, là, maintenant, il va dire, je vis maintenant. Je vis maintenant. Parce que je sais que votre foi, elle est ferme. » Donc, cette lettre-là n'est pas écrite en espérant qu'ils vont faire des choses, mais il écrit après qu'il sait qu'ils ont fait des choses. Donc, cette idée de Paul, moi, de voir je ne sais pas si j'appelle ça de l'empathie, peut-être pas le mot juste, mais moi, j'appelle ça, on se fait du souci. Mais à quel point il se faisait du souci pour l'Église, Paul? Je vais vous conter un fait. On venait de commencer l'église à Deveilleville. C'est loin en arrière. C'est bien loin en arrière. 40 ans, 35 ans en arrière. Et je suivais, Benoît Rancourt suivait Manon Rochefort et Serge. Moi, je suivais Adrien Manningham et Huguette. Et on les visitait toutes les semaines, des fois deux fois par semaine. Et on était à une réunion de prière. Serge et Manon me disent que le curé est allé voir Huguette dans l'après-midi. Moi, je ne vis plus. Je ne vis plus là. Je ramasse mon sac, embarque dans mon char, puis je monte à Deveilleville. J'ai entendu dire que le curé est allé vous voir. Comment est-ce qu'elle va votre foi? Mais où c'est ce que ça, il parle ici. Le souci de l'Église, de la foi des autres. Savez-vous pourquoi on se soucie de la foi des autres? Parce que ma foi en dépend. La mienne en dépend de la foi des autres. Je ne peux pas avoir une foi individuelle. Je ne peux pas m'isoler sur une île et dire, je suis un chrétien et je suis sur mon île. Je ne peux pas. Ma foi dépend de la foi des autres. Oh, je vais finir l'histoire. Adrien et Huguette m'ont dit, non, François, ça va bien. On a resté attaché au Seigneur. Ils sont encore là aujourd'hui. Gloire à lui. Et donc, mais c'est de vous dire que il y avait un souci de Paul de la jeune Église, de l'Église qui était là. Et c'est cet homme-là qui va s'asseoir et qui va leur écrire, qui veut, la chose qu'il veut le plus, c'est qu'il persévère dans la vérité. C'est la chose qu'il veut le plus. Et il est prêt à faire n'importe quoi. Jusqu'à la mort, s'il faut. Pour que l'Église reste attachée à la vérité. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce retour du Seigneur Jésus-Christ, on va le voir, qui va être, c'est presque omniprésent. Il va terminer la deuxième épître en disant, avant que le Seigneur vienne nous chercher, il faut que certaines choses arrivent avant. Il va leur parler de ça tout le long. Parce que la jeune Église sait que le Seigneur Jésus va revenir. Mais il manque des données aussi. Ils sont troublés par différentes choses qui arrivent autour d'eux autres. Par différentes... Une des choses que vous avez entendu parler. Les chrétiens vont commencer à mourir. C'était toute une gang de vieux, pareil comme nous autres. Commencer à mourir. Et les chrétiens, par manque de connaissances, remettent en question le retour du Seigneur. Seigneur Jésus a dit qu'il venait nous chercher. Ils ont commencé à mourir. C'est-tu vrai ce qu'on entend? Mais leur doute n'est pas que par les Juifs ou par les... Le danger n'est pas nécessairement par les Juifs. Tout ça, c'est par le fait qu'ils voient des frères et sœurs mourir. Ça, c'est une des choses qui fait... Un manque de connaissance. Il y a cette... Mais ce manque de connaissance-là, si tu le jumelles à la persécution, c'est dévastateur. Oui, c'est ça. C'est dévastateur. Tu ne peux pas résister devant, comme ça si dans la persécution si tu n'as pas les vérités pour t'appuyer. Pourquoi j'acceptais d'être persécuté si le Seigneur Jésus ne revient pas? Parce qu'il a dit qu'il reviendrait, on tentait de mourir et il ne revient pas. Est-ce qu'on va continuer à être persécuté pour rien? On lâche. On abandonne. La perception et la vérité, il faut garder ça en équilibre quelque part. Et je crois que l'apôtre Paul va nous faire ressortir de voir qu'est-ce que lui va leur dire. Qu'est-ce que lui, le Paul, celui qui avait vu le Seigneur, qu'est-ce que lui va leur dire à cette église-là de la part du Seigneur? Il faut dépasser Paul. C'est pas Paul, on sait que c'est pas Paul. Il va dire, Jésus m'a dit de vous dire, les paroles que je vous dis, ça vient du Seigneur. Quand il va parler de l'enlèvement, le Seigneur m'a dit comment c'était pour se passer, je vous le répète, là, vous autres, là, pour que vous puissiez passer au travers. Donc, ne vous en faites pas, là, s'il y a quelques-uns qui meurent. La résurrection va venir. Donc, c'est ces vérités-là qu'on va regarder ensemble pendant les semaines qui viennent. Bon, je vais essayer de vous rappeler ces vérités-là, ces idées-là, cette table que j'ai mise, là, dis, ben, elle annonce. Je ne peux pas lire l'Épître aux Thessaloniciens sans voir qu'est-ce que l'Église vivait à cette époque-là. Je vais le voir, je vais le ressentir, même jusqu'à un certain point. Les douleurs qu'ils vivent, l'affliction qu'ils vivent, les tourments qu'ils ont. Et pas seulement physiques, mais intellectuels et spirituels. Ça remet en question la façon de voir la vie, ça remet en question la façon d'agir dans les circonstances. Et Paul, je trouve ça intéressant que Paul croit que même à distance, la vérité va avoir un effet dans leur vie. Même s'il n'est pas là. Même si lui n'est pas là, il ne perd pas courage. Il dit, je vais vous donner des vérités, puis accrochez-vous à ces vérités-là, vous allez pouvoir persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Lui, il souffre, et il persévère. Si ça l'aide lui, ça va les aider aux autres aussi. C'est les mêmes vérités pour lui. Là. Il n'y a pas d'autres vérités pour les autres qu'il y a pour lui. Là. Donc, c'est là qu'on va commencer la semaine prochaine. Il va, si vous voulez regarder, versets 2 jusqu'à 10, Paul va faire une déclaration. Je sais que vous êtes des élus. C'est-tu là? Oui, verset 4. Ouais. Vous avez été choisi. Le mot élu, le mot choisi, c'est la même chose. Donc, je voudrais te regarder. Pourquoi? Comment est-ce que Paul peut savoir que ces gens-là sont des élus? Leur foi qui reste attachée. Je ne veux pas avoir de réponse maintenant. Je veux que vous le regardiez chez vous cette semaine, si vous voulez le faire. Je dis, mais pourquoi est-ce que Paul peut regarder des croyants et leur dire, je sais que tu es un élu? Des fois, on a besoin de savoir pour nous-mêmes. Et comment ça que lui pouvait le dire? T'sais, il pouvait le dire, je vous regarde vivre et je sais que vous êtes des élus. OK, qu'est-ce que tu as vu, Paul? Qu'est-ce que tu as entendu, Paul? T'es mieux de lire cette semaine. Et on va voir si on arrive aux mêmes conclusions. Voir si on voit la même chose. Parce que c'était intéressant parce que il va écrire une lettre sachant que les gens qui vont recevoir sont des élus. Donc s'il n'avait pas cette conviction-là, il n'écrirait pas la lettre. Mais il y a une conviction qu'ils sont des élus. Au moment où ils partent. Pourquoi tu dis qu'il n'écrirait pas? Ou en tout cas, il n'écrirait pas le même genre de lettre? Ben non. Okay. Tu ne connais pas. Si je n'ai pas la conviction que tu es un élu, ou ce qui est égal pour lui, un croyant, il n'aurait pas écrit à des non-croyants, cela. Mais vu qu'il est convaincu qu'ils sont des élus, au moment où ils partent, il va leur dire des élus. Donc, on va prendre le repos du Seigneur, Gaëtan. Merci, François. Merci pour cet enseignement. Commençons par prier notre Dieu. Oui, tu es grand, notre Dieu. Nous nous sommes ici en ta présence. Tu nous as apportés ici aujourd'hui parce que, comme François le disait au début, tu es un Dieu qui veut parler à son peuple, parler à ses enfants. Merci de cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. On est ici, tu nous parles, et c'est grâce à toi. Merci. Comme on l'a vu la semaine passée, par exemple de Noé avec François, ceux qui croient aux représentants que Dieu a envoyés, ils sont bénis comme le représentant est béni. Et ceux qui ne croient pas au représentant, ils sont maudits. Et Noé a offert un holocauste à Dieu. Les animaux purs. Et pour employer l'expression à François, Dieu a dit, et que ça sent bon. Et à partir de là, Jésus a fait une alliance avec Noé. Il a dit, jamais plus, je vais détruire la terre par le déluge. Ça n'arrivera plus. C'est fait. Ça se produira plus jamais. Et ça, c'est l'alliance Noé. Nous, aujourd'hui, si on prend le repas du Seigneur, c'est qu'on veut se rappeler que Dieu a offert son Fils en sacrifice. Il a dit, si vous croyez en lui, si vous l'honorez, si vous le bénissez, je vais vous bénir avec lui. Si vous ne faites pas ça, vous allez être perdu, maudit. Et nous, aujourd'hui, si on est ici, c'est parce que nous croyons en ce Jésus. Sinon, de quoi qu'on soit ici, si c'est pas qu'est-ce qu'on croirait. Parce qu'on croit en lui, on est ici. Et aujourd'hui, chacun de nous, on peut dire, je me souviens de ton corps brisé. Je me souviens de ton sang versé. Je me souviens aussi de la croix. Et je me souviens de ton amour. Prenons soin. Moi et Seigneur, c'est mon processus. Donc, rappelons-nous la dernière nuit qu'il a passé avec ses disciples. Il a pris le pain, il l'a déchiré, il l'a brisé, il l'a rompu. Puis il a dit à ses disciples, ceci est mon corps qui va être traité de cette façon. C'est mon corps qui va être livré pour vous. Fais ceci en mémoire de moi. Mangez. coupe, qui a partagé avec ses disciples. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons. François, veux-tu terminer par une autre prière? Comme Gaëtan nous l'a rappelé par l'Éternel, les holocaustes ont senti bon. On sait que ce n'est pas juste une odeur physique. C'est le cœur de Noé et de sa famille qui s'exprimait, qui exprimait l'adoration, qui exprimait la louange, qui exprimait l'action de grâce pour ce que tu avais fait pour eux. Je me demande si la mort de Christ à la croix, ce sacrifice parfait, est-ce que ça l'a senti bon pour toi? Est-ce que ça, finalement, t'as été satisfait? Finalement, ta colère a été apaisée? Finalement, tu pouvais pardonner? Finalement, tu pouvais acquérir un peuple justifié par la mort de ton fils. Ça faisait des millénaires que tu avais annoncé que ça souffrait. Et finalement, ça s'est fait en Jésus-Christ. Et depuis ce jour, tu pardonnes à des hommes et à des femmes dans le monde entier. Des hommes et des femmes qui se repentent, des hommes et des femmes qui t'acceptent comme sauveur, comme Seigneur. Seigneur notre Dieu, on ne veut pas juste avoir des belles paroles, des beaux mots. On aimerait que par ton Esprit Saint, nos vies reflètent cela. Que nos vies manifestent cela. Je sais que le jour vient où nous serons dans ta présence. Et que nous allons chanter tous ensemble, gloire à Dieu et gloire à l'agneau de Dieu. Donne-nous, Seigneur, à travers le temps qui reste, que le repas du Seigneur puisse être un outil dans tes mains pour nous rappeler. Un outil dans tes mains pour faire face au diable, à Satan, qui veut nous tromper, qui veut nous séduire. Et qu'on puisse dire, j'ai appris de Dieu comment aimer. J'ai appris de lui comment aimer. Dans les semaines qui viennent, Seigneur, on croit que tu es un Dieu qui parle. Parle à ton peuple. Instruis-nous. Instruis-nous. Afin qu'on puisse te glorifier pour toujours. Amen. On va rester assis. Gaëtan a une annonce à faire.